Quimper. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Aurélie Valogne et je vais vous raconter l'histoire du loup qui préférait les carottes. Il était une fois un jeune loup qui vivait dans la forêt avec son père et ses trois frères. Un soir, alors que Papa Loup avait passé 2 heures au fourneau à faire mijoter le lapin qu'il avait attrapé plus tôt dans la journée, il appela la meute de sa grosse voix d'alpha. Attends ! Pendant que ses frères se bagarraient pour s'octroyer les plus juteux morceaux, Petit Loup garda les lèvres pincées, la tête baissée, essayant de se faire le plus discret possible. Si les choses se passaient comme à l'accoutumée, cela ne lui serait pas très compliqué. Dans cette famille, il avait souvent le sentiment d'être invisible. Cependant, une fois les premières bouchées englouties, Papa Loup releva le museau de son assiette et posa un regard interrogateur sur Petit Loup. Tu ne manges pas ? Le jeune loup esquiva tant qu'il put. Je n'ai pas faim aujourd'hui. Je ne veux rien savoir, continua Papa Loup. Tu finis ton assiette. Sinon, je te la resserre demain au petit déjeuner. Prenant son courage à deux pattes, Petit Loup lâcha. Papa, je n'aime pas ça. Papa Loup posa brutalement ses couverts sur la table. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Voilà qu'il fait la fine bouche maintenant. Tu pinailles sur mon lapin aux olives. Tu sais combien de temps ça m'a pris ? Petit Loup laissa échapper un maigre filet de voix. Oui, j'imagine. Mais papa, tu sais bien quand même que je n'aime pas la viande. Papa Loup grogna. Toujours à faire des manières, toi. Regarde tes frères et comporte-toi en loup, bon sang de bonsoir. Un loup qui refuse de manger de la viande. On aura tout vu. Tu me fais honte, Petit Loup. Que vont dire les voisins ? Sauf que Petit Loup n'était pas un loup comme les autres. Pas comme ses frères, ni comme son père. Il était différent, et depuis toujours. Moi, papa, je préférerais manger des carottes. Des carottes ? Répéta Papa Loup, manquant de s'étrangler. Les carottes, c'est pour les faibles. Pour ceux qui acceptent de se faire dévorer dans la vie. Toi, tu es un carnivore. Tu dois faire honneur à ton rang et à ta famille. Tes frères mangent de la viande, ton père mange de la viande, ton grand-père mangeait de la viande, ton arrière-grand-père aussi. Notre lignée sanguinaire ne s'arrêtera pas avec toi. Et si besoin, je te ferai recopier 100 fois, je ne serai pas une dent molle. C'est compris ? Petit Loup baissa honteusement la tête. Il avait vraiment hâte d'être grand, pour décider et faire ce qu'il voulait. Mais ce serait encore long. Il n'avait que 7 ans en année de loup. « S'il te plaît, papa, ne me force pas !» tenta-t-il à nouveau. « Je ne fais pas exprès !» Papa Loup se dressa soudain sur ses grandes pattes et approcha son œil noir tout près de Petit Loup, les babines retroussées. « Tu arrêtes ton cinéma tout de suite !» Et tu mets un bout dans ta bouche, sinon c'est moi qui m'en charge. La gorge de Petit Loup se serra. Il savait que Papa Loup ne plaisantait pas et qu'il ne parviendrait pas à l'attendrir. Petit Loup piqua le morceau le plus petit qu'il trouva et l'enfouit lentement dans sa gueule. Allez, mâche ! Petit Loup essaya tant qu'il put d'écraser ce bout sanguinolent puis de l'engloutir, mais rien à faire. Le bout de viande passait immanquablement de sa joue gauche à sa joue droite pour revenir dans la gauche avant de retourner dans la droite sans parvenir à descendre. Il essayait pourtant de toutes ses forces, mais la boule était coincée. Avale maintenant! Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu as fait une boule! S'écria Papa Loup. Petit Loup secoua la tête énergiquement. Non, il ne lui dirait pas. Papa Loup et les frères léchèrent les restes du plat, puis se levèrent de table, visiblement repus. Papa Loup ajouta. Je te préviens, petit loup. Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Même si cela doit prendre la nuit. Petit loup resta seul, à scruter le monticule de viande dans son assiette, la bouche pleine de cette énorme boule qui lui mettait l'estomac au bord des lèvres. Petit loup resta si longtemps, accoudé ainsi sur la table, qu'il finit par s'endormir tout à fait. Lorsque Petit Loup se réveilla, la nuit était tombée et il faisait très froid. Il s'était assoupi quelques heures devant son assiette. Sa bouche pâteuse ne s'était toujours pas défaite de son morceau de viande. Jetant un œil inquiet autour de lui, il se leva discrètement pour cracher, puis s'éloigna pour enterrer le reste de son auge. Il vint ensuite se blottir le ventre vide près de ses frères. Quelques minutes plus tard, alors qu'il essayait tant bien que mal de trouver le sommeil, un grondement terrifiant le réveilla. Papa Loup et ses frères continuaient de dormir à point fermé. Alors, Petit Loup se recoucha. Mais ce grognement surgit à nouveau. Petit Loup tressaillit, avant de se rendre compte qu'il s'agissait de son ventre, qui criait « Famine !» Il n'avait rien avalé depuis plusieurs jours, et il ne pourrait pas tenir le rythme des longues journées de marche en famille sans un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Il se leva silencieusement et pénétra dans la forêt sombre à la recherche de baies, de fruits ou tout autre aliment qu'il dévorait en cachette depuis des années. Plus il s'enfonçait parmi les arbres, et plus l'obscurité rendait difficile sa poursuite. Les yeux écarquillés, Petit Loup était à l'affût. Il ne cherchait plus de quoi se rassasier. Il sursautait au moindre bruit, scrutant les prédateurs. Tout à coup, il vit deux yeux rouges qui s'allumèrent devant lui. Tétanisé, Petit Loup s'arrêta net. Petit Loup n'était pas trouillard, mais pas courageux non plus. Il valait mieux courir que guérir. Lorsqu'il cligna des yeux, il découvrit l'objet de son épouvante. Un minuscule lapin blanc. Ce dernier, se retrouvant nez à nez avec la gueule de Petit Loup, tourna la tête et fit mine d'être invisible, ne bougeant plus une oreille pourtant bien longue. Petit Loup, qui avait toujours préféré les rongeurs en amitié qu'en ragoût, dit de sa timide voix. « N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Je ne mange pas de lapin, moi. Je n'aime pas la viande. » En entendant la voix rauque de Petit Loup, le lapin détala derrière un talus, puis repassa une tête intriguée. « Ça n'existe pas, les loups végétariens. C'est une ruse. Toute ta meute va débarquer et vous allez me dévorer. »« Mais non, pas du tout, » dit Petit Loup. « Je suis tout seul. Et pour tout te dire, je me suis perdue et je commence à avoir peur. Et j'ai froid aussi, et très faim surtout. Je cherchais quelques glands, mais il n'en reste plus. En vérité, je rêverais de manger... » Le petit lapin tremblait comme une feuille. « Des carottes !»« Des carottes ? Je sais où en trouver, mais c'est impossible de les attraper. J'ai déjà essayé, ma famille aussi, mais eux sont jamais revenus. » Le terrible fermier les a enfermés dans un clapier. Il veut en faire un ragoût de carottes. « Il ne me fait pas peur, ton fermier !» répondit fièrement Petit Loup, poitrail en avant. « C'est lui qui devrait trembler devant un loup féroce comme moi !»« Montre-moi où se trouvent les carottes, je les attrape et je m'occupe du fermier. Ensuite, nous partagerons le butin. » C'est qu'il n'était plus du tout peureux, ce jeune loup. Surtout quand il s'agissait de carottes. Arrivé devant le potager, Petit Loup glissa sous le grillage et s'approcha, ventre à terre, des belles fans de carottes. Il commença à les ramasser, une à une, le plus vite qu'il put. Il avait quasiment fini de tout saisir lorsque les aboiements du chien de garde finirent par réveiller le fermier. Ce dernier sortit en trombe de sa maison, armé d'une grande pelle, et asséna aussitôt un énorme coup, manquant de peu Petit Loup. Celui-ci, qui avait toujours eu l'agilité d'un danseur, esquiva le premier coup, puis le deuxième, et tous les autres, parvenant à se diriger vers le clapier. Il libéra tous les lapins prisonniers. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Une vingtaine passa sous les encouragements de Lapin Blanc qui les hâtait de le rejoindre sous le grillage. Passé un à un vers la sortie, Petit Loup se faufila en dernier, la gueule pleine des belles carottes, sous le regard courroucé du fermier qui avait perdu à la fois son sang-froid et son repas. Une fois à l'abri dans la forêt, Petit Loup partagea comme promis les carottes avec Petit Lapin et ses frères à grandes oreilles. Ils firent le plus grand festin qu'aucun d'eux n'avait jamais fait, ni même jamais osé rêver de leur vie. Les péripéties de la journée eurent bientôt raison d'eux. Et après s'être installés confortablement sur le ventre rebondi du loup, les petits lapins sombrèrent dans un doux songe fait de carottes, de légumes et de pelles qui dansaient. Petit Loup aurait dû rentrer chez lui, retrouver son père et ses frères avant qu'ils ne s'inquiètent. Mais il redoutait la punition. Il savait que les menaces de Papa Loup passeraient à exécution et que jamais il n'écouterait Petit Loup, ni n'accepterait ses différences. Petit Loup n'avait pas choisi d'être ainsi alléché par les carottes, de préférer la compagnie des lapins à celle de ses congénères sanguinaires. Alors, sans plus réfléchir, Petit Loup se laissa porter par les ronflements de ses nouveaux amis lapins, qui, eux, ne lui voulaient que du bien. Il dormait paisiblement depuis de longues, très longues minutes, lorsque Petit Lapin vint le murmurer à l'oreille. Psst, psst. Petit Loup souleva une lourde paupière. Quoi encore ? On a mangé toutes les carottes ? Répondit le lapin. Tiré de sa rêverie, Petit Loup ouvrit un œil inquiet et rétorqua. Mince, je n'y avais pas pensé. Mangera quoi demain ? Et dans un souffle coquin, Petit Lapin chuchota alors. Je sais! Moi, j'ai toujours rêvé de manger du saucisson! Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant,